Hey, bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est la première émission de la session d'été et je dois vous dire déjà tout de suite qu'on a 15 minutes de gros contenu de plus pendant tout l'été, donc profitez-en. Dans cette émission qui parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus, pour commencer, on va parler d'informatique. Il y a une série qui s'appelle J'aime Julie Simard qui était une grosse, grosse blague. Ça s'est passé sur Internet et les gens ont été bernés. On va aussi parler de vidéos en ligne, de placement de produits et de Microsoft et Yahoo dans quelques minutes. Mais avant, voici une pièce de Los Campesinos. Voici Debt to Los Campesinos. À la connexion au 89.1 FM. Los Campesinos, la formation Los Campesinos à la connexion assez fou 89.1 FM. Avant de continuer avec le bloc F5 informatique, quelques petits renseignements pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. La connexion change d'horaire pour l'été. On est en direct maintenant le mardi de 11h à 13h. On rappelle le jeudi à 11h et le lundi à 9h. Donc, on ajoute une troisième diffusion de l'émission. F5 informatique, c'est le bloc des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs, les choses qui sont passées sur Internet. On commence par la web-réalité J'aime Julie Simard, qui est à Canoë, ce que Lonely Girl 15 est à YouTube, c'est-à-dire un faux, dit brochez-vous.com. Mais avec ceci de différents, de vrais personnages ont été pris au jeu. J'aime Julie Simard devait adopter au concept de la télé-réalité, mais avec une diffusion sur le web. L'idée de la série était de suivre les péripéties amoureuses de la jeune femme qui avait utilisé un site de rencontre en ligne pour trouver l'âme sœur. La Julie Simard en question devait rencontrer 12 soupirants qui devaient être filmés en autant d'épisodes. Au 13e, elle devait dévoiler quel homme elle avait choisi parmi les candidats pour peut-être aspirer à une relation amoureuse. Les 12 hommes retenus avaient consenti à ce que leur rencontre soit filmée et ensuite diffusée sur Canoë. Mais voilà que le conte de fées se termine en queue de poisson parce que Julie Simard n'est pas du tout en quête du prince charmant. En fait, elle ne s'appelle même pas Julie Simard. De son vrai nom, elle s'appelle Marie-Soleil Roy. Elle a été embauchée par son réalisateur de conjoint, Pierre Côté, pour participer à son projet. Le problème, les 12 candidats croyaient vraiment qu'ils allaient à une rencontre avec une jeune femme célibataire. Martin Cloutier a vertement réagi sur le blog consacré à la fausse Julie Simard sur Canoë et je cite « J'ai dépensé temps et argent pour te faire un beau pique-nique dans la neige. La moindre des choses serait que tu répondes à au moins un des messages que je t'ai envoyé. » Les internautes ont aussi critiqué le projet. L'un d'eux y va même d'un conseil et je cite « Retourne faire tes devoirs mon cher, ce projet c'est un flop. » Le réalisateur Pierre Côté qui a travaillé sur Love Story n'a aucun remords et je cite « Je suis prêt à vivre avec les conséquences, il y a une grosse recherche artistique derrière ça, soutient-il. » Parmi les célibataires, 8 ont accepté de signer un nouveau contrat de diffusion après que Pierre Côté leur ait révélé l'affaire, la vérité, à la demande de Canoë. L'un d'eux essaie même d'en tirer profit. Il a demandé à être rémunéré pour sa participation. Ah, le gars est intelligent! Côté assure que le projet survivra à la controverse. Une deuxième saison sera même en branle. Cette fois, il s'agira uniquement de fiction. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur J'aime Julie Simard, allez voir le surdemande.canoë.tv ou allez lire l'article sur le site de l'émission au www.unechance.com. On parle de vidéo, donc Google Vidéo redessine sa page d'accueil et bonifie son offre. En même temps, ils apportent des changements à certains éléments de navigation. La page d'accueil de Google Vidéo n'affiche désormais que les vidéos les plus populaires. 4 options d'affichage des clips s'offrent à l'internaute, les plus citées dans les blogs, les plus partagées, les plus regardées et les plus fortes progressions. Un lecteur vidéo est intégré dans la partie gauche de la page d'accueil, permettant d'afficher à droite une sélection d'une douzaine de clips. Le lecteur vidéo servant à lire les vidéos provenant de Google Vidéo a également été redessiné, permettant notamment de masquer ou de minimiser la sélection de clips similaires dans la colonne de gauche. La page de recherche dispose de 2 nouvelles options pour l'affichage des résultats sous forme de grille ou avec un lecteur intégré, ce qui permet de regarder des vidéos tout en étant capable de voir la liste des résultats, ce qui est une très bonne chose. Une nouvelle option intéressante dans la page de recherche avancée permet de rechercher des vidéos qui sont sous-titrées. Toutefois, cette option ne semble disponible pour le moment que sur la version anglaise de Google Vidéo. Par ailleurs, l'outil de recherche vidéo recense non seulement les clips provenant de YouTube et de Google Vidéo, mais aussi des clips provenant des portails Dailymotion, Rever, Gooba et Crackle. Toujours dans le monde des vidéos, NBC Universal s'est associé à une agence de publicité pour produire sur Internet des séries qui mettent en valeur les produits des partenaires publicitaires. NBC Universal Digital Studio travaillera avec une division de Omnicom Group afin de créer des émissions qui aideront les annonceurs à vendre leurs produits. C'est ce qu'a annoncé jeudi le géant américain du divertissement. La programmation sera diffusée sur les sites web propriété de NBC Universal Digital. Et je cite, « Nous travaillons de concert avec nos clients, les annonceurs, à des contenus accrocheurs pour notre auditoire, où qu'ils soient. » C'est ce qu'a déclaré le chef de NBC Divertissement, Ben Silverman. Les premières séries de Digital Studio qui seront lancées cet été sont Gemini Division, une série de science-fiction mettant en vedette l'actrice Rosario Dawson et une comédie d'horreur sur un zombie adolescent appelé Woke Up Dead. Intel, Cisco Systems et Microsoft font partie des premières marques ayant contribué à l'élaboration de la série Gemini Division. La collaboration entre NBC et Omnicom propose une façon unique, et je cite, de donner aux marques une place à la même table que celle des auteurs et des producteurs dans le cadre du développement d'une émission qui colle aux besoins de la marque. Donc, en gros, c'est des séries divertissantes, mais qui sont à la base des infos publicités, si on veut. Mais bon, en autant que ce soit bon, hein, les gens vont aimer. C'est pas grave, c'est des produits, je veux dire. On est habitué de voir des produits dans les séries télé, c'est pas nouveau, là. Mais de là à ce que la série soit créée autour du produit, c'est mieux d'être divertissant aussi. En tout cas. Changement de sujet complet, Microsoft a enfin publié le tant attendu Service Pack 3 à destination de Windows XP. Dernier Service Pack prévu pour le système d'exploitation de Microsoft vieux de 7 ans. Le SP3 intègre la prise en charge du WPA2 pour les réseaux sans fil et la prise en charge du Network Access Protection, le NAP. En outre, ce Service Pack permettra aux utilisateurs d'installer l'ensemble des correctifs et mises à jour sortis jusqu'à aujourd'hui pour Windows XP. On peut rappeler que Windows XP sera officiellement retiré de la vente à partir du 30 juin prochain, mais il y a quand même des petites exceptions qui vont demeurer. Mais bon, on ne s'étendra pas sur le sujet. Si tout va bien, le SP3 sera proposé en mise à jour automatique via Windows Update à partir du 10 juin. Les utilisateurs le souhaitant tout de suite peuvent bien entendu télécharger la version complète à partir des serveurs de Microsoft. Vous pouvez passer par l'article sur unechance.com pour y aller, pour y parvenir. Notez que la page complète des changements introduits par Windows XP SP3 peut être consultée aussi sur l'article du www.unechance.com. Toujours au sujet de Microsoft, l'échéance fixée par Microsoft, donc c'était le dimanche 27 avril dans le cadre de son projet d'acquisition de Yahoo, est dépassée et la transaction n'a pas eu lieu malgré des discussions chez Yahoo. Microsoft laissera-t-elle tomber la serviette, demande branchez-vous.com. Les dirigeants de Microsoft évalueraient présentement plusieurs scénarios. Selon le PDG Steve Ballmer, abandonner le projet d'acquisition est une de leurs options. Le directeur financier de Microsoft confirme les dires de son patron et je cite clairement « Les scénarios d'une nouvelle offre et du retrait de notre dernière offre sont envisageables. » Envisageables. Depuis le rejet de l'offre de Microsoft en février, l'équipe de Yahoo travaille d'arrache-pied. Ils ont relancé le site de partage de vidéos. Ils ont annoncé le service de réseautage social mobile OneConnect et un nouveau service de gestion publicitaire. Les résultats du premier trimestre de 2008 annoncés la semaine dernière sont d'ailleurs satisfaisants. Yahoo est parvenu à surpasser les attentes de Wall Street pour l'augmentation de ses revenus et pour l'augmentation de ses bénéfices nets. La direction de Microsoft va rendre publique ses intentions quant à l'acquisition de Yahoo au cours des prochains jours. L'article date de dimanche. Nous sommes mardi si vous écoutez en direct. Donc, il va certainement y avoir des développements d'ici la prochaine diffusion. Ensuite, on parle un petit peu d'un autre sujet complètement. On parle de Facebook. L'application de clavardage de Facebook est désormais disponible à tous les utilisateurs du réseau social. Située dans le coin inférieur droit de l'écran, la nouvelle application de Facebook est identifiée par une silhouette à côté de laquelle un cercle vert indique votre statut en ligne. Il est également possible de voir le nombre d'amis en ligne et de lancer l'application dans une nouvelle fenêtre. La conversation se déroule comme dans la plupart des logiciels de clavardage, mais en version plus épurée. Bon, il n'y a pas d'audio, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'émoticône pour l'instant, il n'y a pas non plus d'avertissement sonore pour indiquer que vous avez reçu un message. Trois options sont disponibles dans l'onglet « Paramètres ». On peut afficher le statut, on peut garder la barre d'amis en ligne ouverte et afficher seulement les noms des amis en ligne. Il est possible de se rendre indisponible au clavardage en cliquant sur l'option « Go offline ». Par contre, l'application n'est pas encore disponible en français, dit branchez-vous.com. Par ailleurs, le clavardage peut être archivé même après avoir fermé l'application et même après s'être déconnecté et reconnecté. Annoncé depuis le 6 avril dernier, la nouvelle application pourrait se bonifier dans les mois à venir. C'est du moins ce que sous-entend l'équipe de Facebook sur son blog. Si vous voulez aller lire le blog de Facebook, c'est très, très simple. Rendez-vous au blog.facebook.com. Toujours au sujet du chat et toujours au sujet de Facebook, mouvement défensif de la part de Microsoft, le numéro 1 mondial du web social grâce à ses applications Windows Live Spaces, Windows Hotmail et surtout Windows Live Messenger. Le groupe Microsoft a lancé son application de messagerie instantanée à l'assaut du réseau social Facebook, dont il est par ailleurs actionnaire à 1,6% de capital. Officiellement développé par Microsoft, comme l'a confirmé une représentante de l'éditeur à Clubic.com, cette application en ligne se limite pour le moment aux conversations écrites avec des internautes non seulement membres de Facebook, mais ayant également activé leur compte Windows Live ID. Un mois après le lancement de InviteToMessenger.net, qui est un service permettant de retrouver les abonnés Windows Live sur les principaux réseaux sociaux, cette application confirme l'intérêt de la firme de Redmond pour ses nouveaux environnements. Reste néanmoins à savoir si le Messenger de Microsoft séduira les membres de Facebook qui peuvent également utiliser l'application officielle de messagerie instantanée développée par Facebook et donnant accès à l'ensemble de son carnet d'adresses. Bref, fait tour pour la première partie du bloc F5 informatique. Il va y avoir une deuxième partie plus tard. Il va aussi y avoir un bloc F5 jeux vidéo et un bloc F5 sciences et technologies un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, voici le top des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière. En cinquième position, ça baisse, c'est YouTube. En quatrième, ça monte, accéder. En troisième, et les trois premières places sont stables. En troisième, Hotmail. En deuxième, Horoscope. Et en première position, on retrouve les packs. Vous dites la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo. Assez fou 89 FM. pièce de shotgun qui s'appelle En attendant la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo dans vos oreilles au 89.1 FM et partout au monde au cfou.ca. Maintenant, voici le bloc F5 jeux vidéo. On commence par Nintendo. J'aime bien commencer par Nintendo, c'est ma compagnie préférée à vie. C'est à peine si je l'ai pas tatoué sur les fesses. Selon des données rendues disponibles par The NPD Group, Nintendo a de quoi être très heureuse par les performances de sa console Wii sur le marché canadien. En effet, la console de salon de Nintendo est la plus vendue parmi les consoles de salon offertes sur le marché en ce moment. Selon NPD Group, pas moins de 813 000 consoles Wii ont été vendues au Canada depuis son lancement en novembre 2006. Ça fait quand même longtemps, tu sais, ça paraît pas, mais ça fait longtemps. 13 des 17 derniers mois ont d'ailleurs été dominés par la Wii au palmarès des consoles vendues en sol canadien. Le jeu Wii Play demeure le plus gros succès sur la Wii, tandis que Super Mario Galaxy se classe parmi les trois meilleurs vendeurs au Canada. Super Smash Bros. Brawl, lancé en grande trombe le mois dernier, s'est vendu à plus de 200 000 copies lors du mois de mars seulement au Canada, ce qui est un franc succès. Nintendo, d'ailleurs, n'envisage pas de ralentissement au niveau des ventes de la Wii au cours des prochains mois, en raison notamment du lancement de plusieurs jeux sur lesquels la firme fonde beaucoup d'espoir. Parmi ces jeux, on retrouve Mario Kart Wii ainsi que Wii Fit. L'article vient de rgamers.com. Toujours au sujet de Nintendo, ils annoncent qu'ils n'ont pas l'intention de baisser le prix de la console Wii, ni celui de la DS en 2008. Une décision que le constructeur japonais explique par une raison toute simple, ils n'ont pas besoin de ça pour vendre des machines par millions. Les récents chiffres de vente de consoles au Japon lui donnent aussi raison. La situation est d'ailleurs la même partout, à tel point qu'on apprenait que Nintendo allait augmenter sa capacité de production de Nintendo Wii. Alors que la Xbox 360 et la PlayStation 3 ont eu droit à un sérieux repositionnement tarifaire, la dernière année de Nintendo reste donc la seule machine de salon à demeurer aussi chère qu'à son lancement, mais aussi peu chère par rapport aux autres consoles. Hein? Les Famitsu Awards, l'occasion pour les joueurs et autres d'avoir un minimum de points de vue sur les goûts des Japonais, puisque les récompenses sont attribuées grâce au vote des très nombreux lecteurs du magazine Famitsu. 36 000 votes ont été annoncés quand même, c'est beaucoup. Une fois n'est pas coutume, c'est Nintendo qui rafle la majeure partie des prix, dont celui de la personnalité de l'année. Hein? Donc c'est selon jeuxfrance.com, l'article a été envoyé par jeuxfrance.com. Société de l'année, c'est Nintendo. Personnage de l'année, Mario. Personnalité de l'année, Shigeru Miyamoto, créateur de Mario. Meilleur hit, Wii Sports. Meilleure innovation, Wii Fit. Le meilleur prix du débutant, c'est la série des Professeurs Layton sur Nintendo DS, Level 5. C'est la compagnie Level 5, je crois. En tout cas, c'est ce qui est écrit en parenthèse. Prix pour l'excellence. Sur Nintendo DS, on retrouve Mario Party DS, Legend of Zelda Phantom Hourglass, Pokémon Donjon Mystère Temps et Ténèbres, Dragon Quest 4 sur Xbox 360, c'est Lost Odyssey, Gears of War, sur PSP, Crisis Core, Final Fantasy VII, et puis on retrouve aussi Dynasty Gundam sur Xbox 360 et PlayStation 2 et 3. Ensuite, pour le prix du prestige, sur la Nintendo Wii, c'est Super Mario Galaxy, et sur la PSP, c'est Monster Hunter Portable 2nd G. Prochain sujet, ce n'est plus Nintendo, mais bien... c'est toujours Nintendo. Qu'est-ce que je raconte? C'est toujours Nintendo. Mike Capps, le président de Epic Games, a donné sa vision du succès de la Wii dans une récente entrevue accordée à IGN. Pour lui, la console de Nintendo est ni plus ni moins qu'un virus qu'on achète pour jouer avec ses amis. Et je cite là. Vous arrêtez d'y jouer au bout de 2 mois, puis ils l'achètent et la délaissent au bout de 2 mois, mais les amis auxquels ils l'ont montré l'achètent alors, et ainsi de suite. A-t-il théorisé. Ça, c'est le président d'une compagnie Epic Games. Interrogé sur les ventes colossales de la machine aux États-Unis, c'est ce qu'il a répondu. Quant à l'éventualité de créer des jeux pour la Wii, Cap s'est montré catégorique, déclarant que sa société allait, et je cite, « de l'avant, pas de l'arrière ». Hein? Rien que ça. Président de Epic Games. Quelle belle affaire. Formez-vous votre propre opinion là-dessus. Peut-être que vous êtes du même côté que lui. Peut-être que la Nintendo, oui, c'est juste une affaire que t'achètes qui est à la mode, puis après ça, dans 2 mois, tu t'en serviras plus. Et que c'est un pas vers l'arrière. En tout cas, frustrant un peu. Passons à Sony, pour changer un peu. Un peu comme Microsoft l'a fait pour sa Xbox 360, Sony veut aller de l'avant avec la location de films et de séries télé en ligne. Le tout se ferait à partir de la PlayStation 3 et un peu de détails sont connus au niveau de la tarification et de la méthode utilisée. Par contre, le service pourrait être disponible à partir de cet été dans le meilleur des cas. L'article vient du LA Times via Art Gamers. Toujours au sujet de Sony, ils ont indiqué cette semaine qu'ils retarderaient, en fait c'était la semaine dernière, qu'ils retarderaient le lancement de la communauté virtuelle 3D Home jusqu'à l'automne. Le service de communauté virtuelle en 3D Home destiné aux utilisateurs de la console de jeu PlayStation 3 devait initialement être lancé à l'automne 2007. Avec Home, Sony souhaite offrir aux utilisateurs de la console de jeu un lieu pour dialoguer avec d'autres utilisateurs, comme dans Second Life, le jeu. Les utilisateurs pourront donc dialoguer, se créer un avatar en ligne, discuter, oui c'est ça, avec d'autres visiteurs, candidats jouer à des jeux et personnaliser leur propre chambre située dans le monde virtuel. Sony affirme vouloir retarder le lancement du service afin d'améliorer la qualité du produit. Toujours une bonne chose. Et je cite, « Nous comprenons que nous demandons aux utilisateurs actuels et futurs de la PS3 d'attendre un peu plus longtemps, mais nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons besoin de plus de temps pour améliorer le service et pour assurer une meilleure expérience de jeu. » C'est ce qu'a dit le responsable de la division Computer Entertainment de Sony. Sony, d'ailleurs, qui avait reporté l'année dernière de l'automne 2007 à début 2008 le lancement de Home. Selon NPD Group, Nintendo dominait les ventes de consoles aux États-Unis en mars 2008 avec 721 000 consoles vendues, suivies de la Xbox 360 et de la PS3. Je sais pas vraiment pourquoi ça a été mis dans l'article, mais bon, que voulez-vous. On passe à Microsoft. Voilà, changement de sujet. Toujours le fun. Selon les récentes données financières de Microsoft, un peu plus de 19 millions d'Xbox 360 ont été vendus dans le monde depuis son lancement en 2005. Nintendo annonçait d'ailleurs la semaine dernière... Non, cette semaine... Toujours vérifier la date avant de dire des choses comme ça. Nintendo avait annoncé avoir vendu 24 millions de Wii depuis sa sortie. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2008, Microsoft a accumulé des revenus de 14,45 milliards, dont 1,56 milliards vient de la division Entertainment and Devices, ce qui comprend la Xbox 360 et la Zoom, le lecteur MP3. Globalement, les produits ont atteint 4,4 milliards. La bonne nouvelle est que la division Entertainment and Devices est aussi dans le noir avec des profits de 89 millions. Et une nouvelle un petit peu plus triste, mais toujours par rapport à Microsoft, une Xbox 360 cause plus de 100 000 $ de dégâts dans une résidence américaine après que le bloc d'alimentation ait pris feu. Les pompiers appelés sur les lieux de l'incendie à Little Rock, en Arkansas, ont confirmé que l'incendie était dû à une surchauffe du bloc d'alimentation. La maison du propriétaire de la Xbox a été ravagée par les flammes, comme en témoignent les images rapportées par la télévision locale THV. Si vous voulez voir les images, allez lire l'article qui s'appelle « Une Xbox 360 met le feu » sur le site de l'émission au www.unechance.com. Un porte-parole des pompiers de Little Rock a expliqué que le bloc d'alimentation était déposé sur le côté, tout près d'un mur, ce qui, selon lui, pouvait exacerber les risques potentiels d'incendie. Par contre, personne n'était à la maison lors de l'incident, donc au moins, il y a déjà ça. Microsoft a déjà rappelé des milliers de blocs d'alimentation dans le monde en raison de préoccupations concernant un éventuel risque d'incendie, mais l'entreprise affirme que les joueurs peuvent minimiser les risques d'incendie en débranchant la console quand ils ne sont pas à la maison. Évidemment. Microsoft a également admis précédemment que le bloc d'alimentation du volant sans fil de la Xbox 360 présentait des défauts susceptibles de causer une surchauffe et de la fumée, même si aucun problème n'a été signalé pour le moment. On rappelle qu'en 2005, en Angleterre, une femme a été retrouvée trouvée inconsciente dans sa maison après avoir été indisposée par la fumée émise par une Xbox de première génération laissée en mode de veille. Faites attention, les amis. Voilà pour la première partie du bloc F5 jeux vidéo. Il va y avoir une deuxième partie plus tard. D'ailleurs, dans cette deuxième partie, on va parler d'un camp d'immersion pour Ubisoft. On va aussi parler d'une pièce d'identité qui pourrait être bientôt nécessaire pour acheter un jeu en Europe. Mais avant ça, voici le top des jeux les plus loués dans les Super Clubs Vidéotron. C'est pour la semaine dernière. En cinquième position, on retrouve Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la PS3. En quatrième, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. En troisième, c'est Army of Two sur Xbox 360. En deuxième, on retrouve Gran Turismo 5 Prologue sur la PS3. Et le jeu le plus loué dans les Super Clubs Vidéotron la semaine dernière était Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur Xbox 360. Vous êtes à la connexion au 89.1 FM. C'est fou ça! Done. Raise my heart and ring. for the good times, won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. La connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette session d'été qui commence. Dans quelques instants, ça va être le bloc F5 Science et Technologie. On va prendre des nouvelles du futur parce qu'il y a une carte de mémoire sans fil pour le téléchargement automatique des photos. Ça, c'est assez intéressant. Et un appareil aussi qui sert à faire fuir les jeunes qui va faire son arrivée au Canada. C'est un émetteur d'ultrasons. On en parle dans quelques minutes à peine. Et pour l'instant, voici une pièce de Pas Chic Chic. C'est Aidé Morcelé, c'est dans les palmarès francophones de C'est Fou. Vous êtes le 89.1 FM à Trois-Rivières. Une pièce presque complètement incompréhensible de la formation Pas Chic Chic. Mais c'est bon dans mes oreilles. Mes oreilles aiment bien ça. Même si on comprend la ligne, pas en tout temps. Et là, c'est le bloc F5 question, c'est technologie. Je dis vraiment F5 comme si je venais de je sais pas trop quelle région du Québec. Et que voulez-vous. Et donc, on commence par Apple qui s'intéresse à la nouvelle technologie qui permettrait à l'écran tactile de son iPhone de vibrer lorsque l'utilisateur appuie sur une touche selon le magazine informatique Paluxo. Un employé d'Apple a envoyé sous couvert d'anonymat un courriel à Paluxo où il affirme que l'entreprise négocie actuellement avec la firme Immersion Corporation afin d'acquérir le droit d'utiliser sa technologie sensorielle. Si Apple incorpore cette technologie dans son iPhone, elle permettrait de générer une forme de rétroaction sensorielle, du tactile feedback, lorsque l'utilisateur tape sur chaque touche du clavier virtuel du téléphone comme s'il tapait sur le clavier réel de BlackBerry. Sérieusement, ça sert vraiment à quelque chose. C'est comme un cellulaire qui doit absolument faire un bip à chaque fois que tu pèses sur une touche. C'est la première option que je désactive. Ce serait sûrement la première que j'enlèverais sur l'iPhone aussi. Je trouve ça ridicule. Soulignons par ailleurs qu'Immersion a annoncé la semaine dernière la nomination de Clint Richardson à titre de président de son conseil d'administration. Richardson a travaillé chez Tivo, Nortel, T-Mobile et Apple, où il était responsable pendant 5 ans d'établir des partenariats d'affaires avec d'autres entreprises. Immersion Corporation, qui existe depuis 1993, a obtenu au fil des ans plus de 600 brevets concernant surtout la rétroaction sensorielle. L'entreprise, dont le siège social est situé à San Jose, en Californie, ils ont poursuivi Sony et Microsoft en 2002, accusant les deux sociétés d'avoir volé sa technologie de vibration pour les manettes de la PlayStation et de la Xbox. La poursuite s'était conclue par une entente à l'amiable impliquant plusieurs millions de dollars. Donc voilà pour le iPhone qui pourrait... vibrer sous vos doigts pour faire comme des vraies touches. Non, mais j'imagine que ça peut être, tu sais, pas mauvais, hein, parce que bon, tu sais, quand t'appuies sur des touches sur un écran, t'as pas l'impression d'appuyer sur des touches, hein, mais t'écris quand même, donc ça sert vraiment à quelque chose d'avoir un tactile feedback là-dessus, je suis pas certain. Je pense qu'on devrait, peut-être qu'il devrait s'en remettre, trouver une cure contre le cancer en premier. La machine à rumeurs est repartie au sujet de l'arrivée du nouveau modèle de l'iPhone. Selon les informations publiées par le site vnunet.com, le président directeur général d'Apple, Steve Jobs, va profiter de la Worldwide Developers Conference pour annoncer l'arrivée de la prochaine génération de iPhone. Cette réunion aura lieu du 9 au 13 juin prochain et va réunir les membres de la grande communauté d'Apple afin de leur faire part des derniers développements technologiques. Selon les observateurs, Steve Jobs devrait en profiter pour lancer de très nombreux nouveaux produits, dont le iPhone 3G. Même si Apple n'a jamais confirmé quoi que ce soit, certains détaillants se sont empressés d'écouler leurs vieux produits en attendant l'arrivée des iPhone 3G. Au Royaume-Uni, par exemple, les distributeurs O2 et Carphone Warehouse ont réduit passablement le prix des iPhone 8G, ce qui a entraîné une rupture de stock. Cette liquidation est vue par plusieurs comme une tentative d'épuiser les inventaires avant l'annonce de l'arrivée de la nouvelle génération d'iPhone. Selon le site Engadget.com, les nouveaux iPhone 3G sont sensiblement de la même taille que les appareils de première génération, mais légèrement plus épais, avec un dos noir et non argent. Ils sont équipés d'un écran sensiblement de la même grandeur, offrant la même résolution avec en prime un GPS à l'intérieur. D'autres sources, comme le site Paluxo.com, affirment avoir appris que l'iPhone 3G comporterait la technologie haptique développée par la société Immersion Corporation. C'est celle dont on parlait tantôt. Cette technologie qui permet à l'utilisateur de sentir les boutons au bout de ses doigts. Depuis son lancement l'an dernier, l'iPhone a été l'un des produits les plus commentés. Apple s'est fixé comme objectif d'en vendre 10 millions d'ici la fin de l'année. L'appareil est encore absent de plusieurs pays, dont le Canada. En fait, les rumeurs voulaient que l'appareil soit lancé au pays d'ici le milieu de l'été, disait l'article en date du 28 avril. Mais j'ai écouté les nouvelles de Radio-Canada ce matin. On est le mardi 29 avril. Je crois qu'il y a eu des développements là-dessus depuis que j'ai préparé l'émission hier soir. Donc, je vais vous tenir au courant d'ici la semaine prochaine, à moins que la nouvelle soit parue. Je vous en parlerai plus tard dans l'émission. Les eyeglasses permettront-elles un jour de compenser la principale faiblesse des baladeurs iPod en termes de lecture de vidéo? On parle évidemment de la taille restreinte de leur écran. Une demande de brevet récemment déposée par Apple aux États-Unis et publiée jeudi laisse penser que la firme de Cupertino serait prête à étudier le développement d'un dispositif permettant de déporter l'affichage d'un baladeur sur une paire de lunettes spécialement étudiées. L'idée n'est pas particulièrement nouvelle. Elle soulève quand même un certain nombre de problèmes, à commencer par la taille des lunettes en question, embarquant le plus souvent un dispositif de stockage de contenu ainsi qu'un système permettant de rétroéclairer une dalle LCD miniature. Ces lunettes écran se révèlent souvent encombrantes et offrent un certain nombre de désagréments, à commencer par une certaine sensation d'étouffement, dans la mesure où elles couvrent l'intégralité du champ de vision de l'utilisateur. Apple aurait trouvé comment contourner ces obstacles et envisagerait, selon cette demande de brevet, de mettre au point un dispositif où l'image serait générée à partir d'un boîtier accroché à la ceinture de l'utilisateur, puis transmise aux lunettes à l'aide d'une liaison optique. Fascinant. L'image serait donc décomposée en trois lasers de couleur qui passeraient par une fibre optique avant d'être recomposée au niveau des yeux. Une telle technique offrirait, d'après Apple, la possibilité de proposer des verres d'à peine 2 mm d'épaisseur qui ne dépareront donc pas sur vos montures signées par un grand couturier, dit Cubic.com. Le dispositif d'affichage se révélerait en outre parfaitement transparent lorsque les lunettes ne sont pas en action, ce qui permettrait donc de ne pas avoir à les retirer pour reprendre contact avec le monde réel si besoin se fait sentir, évidemment. En admettant qu'Apple s'engage dans cette voie, il faudra sans doute à ses ingénieurs de longs mois, voire des années, avant de résoudre les contraintes techniques imposées par un tel système, à commencer par la consommation énergétique. Maintenant, puisons un petit peu dans le puits des nouvelles du futur. Sous ces dehors de cartes de mémoire standard de 2 gigaoctets, la carte sans fil Hi-Fi cache un circuit Wi-Fi intégré qui lui permet de se connecter sans fil au routeur du domicile et de télécharger automatiquement des photos numériques vers l'ordinateur ou sur le site de partage de son choix sur Internet. Le service Hi-Fi gère intelligemment en arrière-plan les photos d'utilisateurs afin de les publier à la destination de son choix, s'occupant des données d'enregistrement telles que nom d'utilisateur et mot de passe, et même de mentionner les photos selon les besoins du site web. Le système est privé et sécuritaire et le téléchargement en amont des photos est gratuit et illimité avec la carte Hi-Fi. Vous pouvez envoyer les photos que vous voulez, aussi souvent que vous le voulez. Si le PC ou le Mac de l'utilisateur est éteint lors d'un téléchargement de photos, le service Hi-Fi fait en sorte de retenir les images pour les livrer à bon port au prochain démarrage de l'ordinateur. Donc, c'est une carte sans fil. Vous prenez, c'est un appareil qui envoie sans fil vos photos de votre carte mémoire, de votre appareil photo directement à votre ordinateur, directement à un site de partage de photos, n'est-ce pas? Une belle nouvelle du futur. Si vous voulez plus d'informations, c'est le ev.fi/wireless-memory-card ou passez par le www.unechance.com, le site d'émission où tous les liens sont là et vous attendez impatiemment. Un appareil émettant des ultrasons que seules les jeunes oreilles peuvent entendre a discrètement fait son arrivée au Canada après avoir soulevé la controverse en Europe. Le Mosquito, qui émet des ultrasons à une très haute fréquence, est utilisé par des centaines de commerçants européens pour éloigner les adolescents turbulents. La ville de Montréal étudie la possibilité d'utiliser l'appareil pour éloigner les jeunes trafiquants de drogue et les adolescents rebelles de certains endroits de la métropole. Peut-être qu'à Trois-Rivières, on pourrait s'en servir pour éliminer les gens qui tirent sur des gens dans leur voiture. Des blagues. Les entreprises de la côte ouest ont quant à elles déjà adopté la machine. Jusqu'à maintenant, 150 Mosquitoes à 1250$ chacun ont été vendus au Canada. La majorité des consommateurs sont en Colombie-Britannique, mais des appareils ont aussi été mis à l'essai en Alberta et en Saskatchewan. Le distributeur du Mosquito à Vancouver, Moving Sound Technologies, prévoit qu'il sera très en demande à Toronto et à Montréal cet été. Créé par un inventeur du pays de Galles, Howard Stapleton, le Mosquito émet un son de plus de 16 000 Hz que la majorité des humains ne peuvent entendre que lorsqu'ils sont âgés de 13 à 25 ans. Ce son n'est vraiment pas très fort, s'élevant à 85 décibels, mais il est très irritant pour les oreilles jeunes et sensibles. Très vierge. Et je cite, c'est dommage d'ajouter encore plus de bruit dans l'environnement, mais que pouvons-nous faire d'autre, a lancé M. Stapleton. Ça ne leur cause aucun mal, mais c'est tellement agaçant qu'ils n'ont pas le choix de s'éloigner, ce qui permet aux clients de revenir dans les commerces. Mais oui, les gens peuvent retrouver la vie paisible qu'ils méritent et pour laquelle ils ont payé. Je suis tellement en désaccord avec tout ça. Je trouve ça vraiment stupide. Bon. En Europe, certains défenseurs des droits humains ont dénoncé la discrimination causée par l'appareil, affirmant que les 13-25 ans ont le droit de se rassembler dans un stationnement ou devant une bibliothèque. Et voilà, c'est exactement ça. C'est parce qu'en essayant d'éliminer les dealers de drogue puis les gens qui sont pas à leur affaire ou à leur place, tu élimines aussi les gens qui sont complètement corrects. Entre 13 et 25 ans, tu peux être une personne normale. Tu peux être gentil, tu peux être fin même. Tu peux être... Regarde, tu sais, il y a des gens là, autour de moi en ce moment même, j'ai regarde, puis toi, t'as l'air fine. Toi, t'as l'air... Ben, y a personne d'autre. Toi, t'as l'air fine, pareil. C'est bon, genre de choses-là. Au Québec, l'appareil est aussi une source d'inquiétude, et je cite, ce qui est problématique, c'est qu'il vise un segment entier de la population, soit les moins de 25 ans, même ceux qui n'ont rien à voir avec le vandalisme. Ça dit tout ce que je voulais dire dans une seule phrase par Dieppe Trouang, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Très bonne personne. Allez lire l'article qui vient de la presse canadienne sur le www.unechance.com, qui est le site de l'émission www.unechance.com. Des scientifiques américains affirment avoir trouvé une nouvelle façon d'identifier positivement des suspects dans des affaires policières grâce à un procédé plus rapide et moins coûteux que les analyses d'ADN. Ça s'appelle l'analyse des anticorps. N'est-ce pas fascinant? Chaque personne produit des anticorps qui lui sont propres. On peut les prélever facilement par des échantillons de sang, de salive ou autres fluides corporels. Clé-là, clé-là. Les anticorps sont des protéines utilisées par l'organisme afin de se défendre contre les bactéries et les virus. Selon un spécialiste de la question de l'Idaho National Laboratory, et je cite, « L'ADN est une façon très concrète d'identifier un individu et les anticorps le sont également. » Les avantages en faveur de l'utilisation des anticorps seraient nombreux. Les résultats sont beaucoup plus rapides, beaucoup moins coûteux. Les analyses peuvent être réalisées sans une formation très poussée. Des trousses d'analyse doivent apparaître sur le marché d'ici 18 mois. Elles seront destinées à l'armée, aux forces policières et à certains laboratoires médicaux. Elles seront produites par la société Identity Sciences située à Alpharetta, en Géorgie. La nouvelle trousse d'analyse pourrait s'avérer fort utile lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations rapides dans le cadre d'une enquête visant à éliminer les suspects sur un champ de bataille ou sur les lieux de grandes catastrophes. Les résultats peuvent être obtenus en moins de 2 heures à partir d'échantillons sanguins. Et finalement, des chercheurs britanniques ont réussi à fabriquer un transistor qui ne mesure qu'un atome d'épaisseur par 10 de largeur, selon la BBC. Les chercheurs Kostia Novoselov et André Game, qui travaillent tous les deux au département de physique et d'astronomie de l'Université de Manchester, ont employé un nouveau matériau, le graphène, pour fabriquer le transistor, un composant électronique essentiellement utilisé à titre d'interrupteur ou d'amplificateur. Le graphène a été découvert il y a seulement 4 ans par les deux chercheurs. Le matériau est une couche d'un seul atome de graphite, une variété de carbone cristallisé employée dans la fabrication des crayons. Selon les deux chercheurs, le graphène pourrait complètement remplacer le silicone dans une dizaine d'années. Mais malgré son épaisseur d'un atome, le matériau serait très robuste en plus d'être un excellent conducteur électrique. Les deux chercheurs estiment également que le graphène pourrait être utilisé dans la fabrication d'écrans car il est transparent. Le défi pour Kostia Novoselov et André Game sera dorénavant de prouver qu'ils seront capables de produire des composants électroniques en graphène, dont la qualité et l'efficacité seront stables d'une unité à l'autre. Voilà. En 4 ans, nous avons déjà appris beaucoup concernant le graphène. Je crois que nous faisons des progrès rapidement, a-t-il déclaré à la BBC. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles du futur dans le bloc F5 Sciences et Technologies. Voici le top des logiciels les plus téléchargés via download.com. En 5e position, on retrouve Avast Home Edition, un antivirus. En 4e, le logiciel de clavardage ICQ. En 3e, c'est LimeWire, votre célèbre logiciel pour trouver des MP3 illégaux. En 2e, Adware 2007 pour enlever les mauvais esprits logiciels de vos ordinateurs. Et en première place, c'est l'antivirus AVG Antivirus Free Edition. Tout de suite, voici le Koonks et la pièce Bad Blood de leur album Koonk à la connexion. Au 89 FM. The Cooks avec Always Where I Need To Be à la connexion CFU 89.1 FM. Leur nouvel album s'appelle Conk et la pièce est bien Always Where I Need To Be. C'est Supergrass qui fait Bad Blood. Tantôt, on va entendre du Elephantine, mais avant, continuons avec notre bloc F5 jeux vidéo, deuxième partie. Malgré ce qu'a annoncé Sega plutôt la semaine dernière, son studio Sega Racing Studio ne sera pas fermé grâce au site de Codemasters. En effet, cette dernière a annoncé qu'elle a conclu une entente avec Sega afin de mettre la main sur son studio responsable, entre autres, de Sega Rally Revo. Sega Racing Studios, qui changera vraisemblablement de nom suite à cet achat, centrera une fois de plus ses efforts dans la conception de jeux de course. Ça lui permettra notamment de travailler sur des franchises telles que Colin McRae et Race Driver pour Codemasters. Celle-ci espère par ailleurs accueillir plus de 40 personnes au sein du studio dans l'avenir. Ubisoft, en collaboration avec l'organisme Jeunesse d'intégration socio-professionnelle CyberCap ou cybercap.qc.ca, il lance pour l'été 2008 le tout premier camp de jour destiné aux jeunes Québécois et Québécoises désirant découvrir l'univers des créateurs de jeux vidéo. Du 7 au 18 juillet 2008, le camp permettra à une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 18 ans de vivre en temps réel les différentes étapes de production d'un jeu vidéo. Au travers d'un agenda excitant réparti sur 2 semaines, les campeurs auront aussi la chance de visiter l'ensemble des installations d'Ubisoft à Montréal, en plus de rencontrer plusieurs créateurs reconnus mondialement pour des titres à succès comme Assassin's Creed, Tom Clancy's Splinter Cell et Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Grâce à la collaboration de CyberCap, des jeunes participants du programme d'intégration socio-professionnelle Transition intégreront le camp pour y réaliser des capsules vidéo qui vont être diffusées sur le web ainsi qu'un document vidéo promotionnel inspiré de l'expérience des 20 jeunes campeurs. Afin d'effectuer le travail de montage et la diffusion des vidéos sur le site d'Ubisoft, ils auront à leur disposition un local spécialement aménagé, le studio CyberCrap, pour vrai, je sais pas pourquoi. Les candidats peuvent soumettre leur candidature du 21 avril au 12 mai directement sur le site du campus du camp d'immersion Ubisoft hébergé à l'adresse immersionubisoft.com. Les jeunes intéressés devront répondre à un questionnaire afin de se présenter, et illustrer leur intérêt pour le jeu vidéo. Une sélection sera effectuée parmi toutes les candidatures en fonction du nombre de demandes. Le coût d'inscription au camp s'élèvera à 600$. Tous les profits générés par la tenue de cette activité seront remis à CyberCap. L'article vient de JXP.ca. Le directeur général du cégep de Matane, toujours au sujet de Ubisoft, M. Emery Bellan, a annoncé la participation de son établissement dans la création du campus Ubisoft Maroc à Casablanca. Cette annonce fait suite à une conférence de presse tenue le même jour à Casablanca et pendant laquelle le directeur général d'Ubisoft Maroc, M. Cyril Vermel, et le directeur général de Sigma Technologies, M. Dino Sebti, ont annoncé la création du campus Ubisoft Maroc à Casablanca en présence de leurs partenaires éducatifs. Dès son ouverture en octobre 2008, le campus Ubisoft Maroc à Casablanca proposera des programmes de formation qui permettront de développer les compétences inhérentes aux principaux métiers de la production du jeu vidéo et de films d'animation, de la programmation à l'animation 3D en passant par la modélisation, le design de jeux et de niveaux de jeux ainsi que la gestion de projets. Le service de formation continue du cégep de Matane, groupe Collegia, offrira au sein du campus Ubisoft Maroc à Casablanca ses attestations d'études collégiales, animation 3D et modélisation 3D ainsi que le level design ou la conception de niveau de jeu en collaboration avec l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, l'ENJMIN. Pour plus d'informations, visitez le campusubisoft.ma, campusubisoft.ma. L'article vient aussi de jxp.ca. L'industrie européenne du jeu vidéo a 2 ans pour proposer un code de conduite afin de mieux protéger les enfants des images violentes, dit branchez-vous.com. C'est la commissaire européenne chargée de la Société de l'information et des médias, Viviane Reding, qui en a fait la demande mardi le 22 avril dernier. Et je cite, « Les créateurs doivent jouir de leur liberté d'expression, mais ils œuvrent dans une industrie qui a des répercussions sur la société. » C'est ce qu'a déclaré la commissaire de l'Union européenne. Elle souligne également la préoccupation de la population face aux comportements agressifs qui peuvent être renforcés par les jeux vidéo, donnant pour exemple la fusillade ayant lieu en novembre dans une école finlandaise, fusillade ayant notamment mené plusieurs pays européens à bannir le jeu Manhunt 2. L'Union européenne, qui a le pouvoir de proposer des lois, a décidé de donner 2 ans à l'industrie européenne du jeu vidéo pour mettre au point un code de conduite. L'industrie est également invitée à publiciser davantage les symboles indiquant l'âge requis des jeux. Le système européen de classification des jeux, le PEGI, est soutenu par plus de 200 membres de l'industrie et est utilisé dans 20 des 27 États de l'Union européenne. La Commission européenne veut que les logos du PEGI soient connus du grand public tout en comprenant qu'il n'y a pas de preuves concluantes que les jeux vidéo violents influencent le comportement des enfants. L'année dernière, un juge fédéral américain a invalidé une loi californienne datant de 2005 qui empêchait la vente de jeux vidéo violents à des mineurs, jugeant cette loi comme étant inconstitutionnelle, ajoutant qu'il n'y avait aucune preuve que de tels jeux soient plus nocifs que certains films et émissions de télévision. Un peu dans le même cadre, alors que Manhunt 2 fait parler de lui avec son lancement, avant son lancement en étant d'office interdit au Royaume-Uni, la Commission européenne veut intensifier la... La Commission européenne veut intensifier la protection des mineurs vis-à-vis des jeux violents. La Commission se félicite que 20 des 23 États membres de l'UE aient adopté le même système de classification PEGI. On en parlait un petit peu plus tôt. Le fameux système des petites vignettes que vous retrouvez sur les boîtiers de vos jeux, mais eux, là-bas, c'est pas la même forme, mais c'est quand même le même genre d'étiquette. Ça dit ici, et qui indique si son contenu est violent ou s'ils sont recommandés uniquement à partir d'un certain âge. Bon, pour l'instant, il ne s'agit là d'une indication censée guider les parents, mais la Commission souhaite que d'ici 2 ans, la vente de jeux violents aux mineurs soit plus réglementée. Un peu comme c'est déjà le cas pour certaines séances de cinéma, vous pourriez dans un futur proche vous voir demander une pièce d'identité en Europe si vous cherchez par exemple à vous procurer le dernier Grand Theft Auto. Voilà. Prochain sujet, au début des séries, EA Sports avait simulé chacune des séries à l'aide du jeu NHL 2008. Là, on parle des séries de hockey. Electronic Arts Sports a prédit avec succès l'issue des 8 premières séries avec une très faible marge d'erreur. Si cette simulation avait vu Montréal éliminer Boston en 7 matchs, elle prédit aussi que Montréal sortira Philadelphia en 6 matchs. EA Sports avait une chance sur 16 de prédire les vainqueurs des 8 premières séries. Comme vous pourrez le constater, leur simulation a aussi prédit avec succès le nombre de matchs corrects pour 3 des 8 premières séries. Montréal en 7, Philadelphia en 7 et San Jose en 7. Commis une erreur de 1 match pour 3 autres séries, Pittsburgh en 5, Détroit en 5 et Dallas en 5. Et commis une erreur de 2 matchs pour les 2 dernières séries, New Jersey en 7 et Colorado en 4. Pour la deuxième ronde, EA voit Montréal, Pittsburgh, Détroit et San Jose l'emporter. Donc si vous voulez voir les résultats des prédictions complètes pour les séries 2008 de EA Sports, allez voir l'article qui s'appelle « EA Sports avait vu juste pour la première ronde dans la NHL » sur le www.unechance.com. D'après ses propres dires, l'homme, l'ami, la vedette, le monstre, certains diraient Uwe Boll, aurait approché Blizzard dans l'optique de réaliser un film sur World of Warcraft. Je vous rappelle un petit peu via le site de toutlesciné.com, si le lien pouvait s'ouvrir, que Uwe Boll a réalisé entre autres Postal, In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale, et plusieurs autres films basés sur des jeux vidéo, House of the Dead, un paquet de choses comme ça. Donc Uwe Boll, qui est une personne vraiment détestée par la communauté des jeux vidéo, parce qu'il fait de mauvais films basés sur des jeux vidéo et ça vient gâcher un petit peu le bonheur des gens. Donc il y avait des pétitions en ligne pour que Uwe Boll arrête de faire des films. Donc il aurait approché Blizzard dans l'optique de réaliser un film sur World of Warcraft. World of Warcraft, le jeu hyper populaire. La réponse aurait été assez cinglante et je cite « Nous ne vendrons pas les droits cinématographiques, pas à vous, certainement pas à vous. » Voilà, c'est fait. Avouez que c'est dommage. Donc c'est Uwe Boll qui ne fera pas de film sur World of Warcraft. Donc dans le fond, c'est une non-nouvelle. José Théodore est malade. Son adjoint Peter Boudage a dû le remplacer au milieu du match du 24 avril entre l'Avalanche du Colorado et les Red Wings de Détroit, dit Jean-François Codard dans son blog sur canoë.ca. L'incident a permis de voir à la TV le nouveau masque de Boudage, dit-il. Prêt depuis quelques semaines déjà, mais confiné au vestiaire parce que son propriétaire réchauffait le banc depuis que Théo avait repris feu. J'essaie de mettre ça au présent ou au passé. Et qu'a-t-il de spécial ce masque? Il est orné sur chacun de ses deux côtés d'une large photo d'Altaïr, le héros de Assassin's Creed. Un jeu développé, doit-on vraiment le rappeler, par Ubisoft Montréal. C'est Boudage lui-même qui a rapproché Ubisoft pour leur demander ce casque, la permission de porter ce casque. Plus précisément, il a contacté la productrice, la très jolie Jade Raymond, par courriel. Et là, je cite Jean-François Coderre, « Je sais ce que vous pensez, bande de coquins, et on me dit que c'est vraiment tout ce que le courriel contenait, une demande de permission très polie. » selon le porte-parole de l'Avalanche, Damon Zier. Et là, je suis pas un connaisseur de hockey, je dis ça comme je le pense. Boudage est un grand amateur de jeux vidéo en général et Assassin's Creed et de la PS3 et de tout ce qui va autour de ça. Donc, si vous voulez voir des photos de son superbe casque, allez voir l'article qui s'appelle Altair contre les Red Wings sur lunechance.com. Là, il fait le tour pour la deuxième et dernière partie du bloc F5 jeux vidéo. Voici le top 5 des jeux les plus recherchés sur le oneup.com, les jeux les plus populaires du moment. En cinquième, c'est Champions Online sur PC. En quatrième, Mario Kart Wii sur Nintendo Wii. En troisième, Metroid Prime Hunter sur la DS. En deuxième, Grand Theft Auto 4 sur la 360. Et le grand numéro 1, c'est Grand Theft Auto 4 sur PlayStation 3. Êtes-vous vraiment surpris? Hein? Ça sort aujourd'hui, mardi le 29. Les magasins sont ouverts depuis genre 8h à matin, les gens font la file. C'est la folie furieuse pour Grand Theft Auto 4. Vous êtes à la connexion. C'est fou 89.1 FM et vous aimez ça. Passer

tragedy from happening. Pig's feet and snake piss, crow tongue and cat face, horse tail and bone bits, bird's nest and great dust. All of it won't keep the tragedy from happening. So rock. Information Maman et la pièce de Band of Butterbeans à la collection ACFU 89 FM. C'est sur le palmarès anglophone de ACFU cette semaine. Maintenant, voici la deuxième partie du bloc F5 informatique. Mais avant ça, demandons un petit peu à notre bon ami Alex. Est-ce qu'il s'en vient plus tard aujourd'hui? Oui! Alexandre Thibodeau, bonjour. Bonjour, après un mois d'attente, finalement, ma chronique Oui et documentaire est de retour. Bon. Malgré un mois très occupé, incapable de me déplacer pour la merveilleuse émission qu'est La Connexion. Merci. Ben, tu sais, ce qui se passe avec toi, c'est que t'es comme, même en petite dose, là, on te savoure. Bon, on savoure tes chroniques. J'ai comme une truffe au chocolat, moi. Genre, t'en as pas souvent, tu sais. C'est comme une Toblerone, c'est comme plein d'affaires, dans le fond. Exactement. Tu y vas, tu te rationnes, puis quand tu l'as, tu le savoures pleinement. T'sais. Et voilà. Bon. Je suis une grosse truffe. Pas mal une grosse truffe. Avant de passer à ta chronique, donc on va faire un minuscule bloc informatique, si tu le veux bien. Absolument. Avec 221 millions d'internautes chacun, la Chine et les États-Unis sont désormais les deux pays avec le plus d'habitants branchés à Internet, selon ce qu'a annoncé le gouvernement chinois jeudi dernier, le 24 avril. Si les chiffres de l'agence Xinhua sont bons, il s'agirait d'une hausse de 61% depuis le début de 2007, lorsque 137 millions d'internautes chinois avaient été recensés. Malgré tout, le pourcentage de la population chinoise branchée à Internet est encore en deçà de la moyenne mondiale, avec seulement 16% de ses habitants, contrairement à 19% ailleurs dans le monde. Les 221 millions d'internautes cacherait également une industrie naissante, même si la population Internet totale de la Chine devrait dépasser celle des États-Unis. Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, donc, c'est des chiffres un petit peu trompeurs, parce que même si en frais de nombre brut, c'est un des pays, j'imagine, bon, comme tu sais, avec les États-Unis, qui est le plus connecté, ça reste avec la population incroyablement grande de la Chine, oui. Ça reste une fraction seulement de la population. Tout à fait. Selon certaines estimations, la population Internet de la Chine devrait continuer de croître à un rythme de 18% par année et pourrait atteindre 490 millions en 2012, soit plus que la population totale des États-Unis qui est de 300 millions, mais comme tu dis, c'est une fraction là-bas. Le dossier du contrôle du trafic Internet par les fournisseurs d'accès Internet vient de prendre un nouveau tournant. L'Union des consommateurs vient de déposer devant le CRTC une requête contre Bell suite à l'instauration d'un système qui vise à identifier l'utilisation de certaines technologies de transfert de données sur les réseaux de télécommunications et à sa décision de limiter le libre accès à la bande passante aux utilisateurs de ces technologies. L'Union des consommateurs estime que les actions de Bell, qui ralentit délibérément le service de ses abonnés sur la base de l'utilisation de certaines technologies de transfert de données, ont pour effet, 1. De limiter volontairement l'accès par l'ensemble des Canadiens à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité. 2. De restreindre le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications. 3. De nuire à l'innovation dans le domaine des télécommunications en ciblant certaines technologies. 4. De porter atteinte à la vie privée des personnes. Et 5. Contrevenir au principe de neutralité quant au contenu des télécommunications, comme le stipule la loi sur les télécommunications. Finalement, l'Union des consommateurs demande au CRTC d'interdire à Bell de discriminer les utilisateurs du réseau sur la base de l'utilisation de certaines technologies de transfert de données, de filtrer ou de ralentir même partiellement l'accès à des applications et à du contenu, et de procéder à une détérioration importante et délibérée des services d'accès à Internet. L'Union des consommateurs demande au CRTC d'ordonner à Bell de mettre fin immédiatement à toute pratique déjà entreprise en ce sens. La requête contre Bell est disponible en format PDF sur le site de l'Union des consommateurs. Allez voir l'article qui s'appelle « Plainte contre Bell pour limitation d'accès à Internet » sur le site de l'émission au www.unechance.com. Attention, ce PDF peut contenir des spyware. Ouh, ouh, ouh. On vous espionne avec vos PDF. Prenez note dans votre agenda, dit le carnet techno de Radio-Canada. Le 3 mai prochain, le Montréalais Denis Bistrov vous invite à éteindre votre ordinateur pour toute la journée. Lancé l'an dernier sous l'appellation Shutdown Day, l'initiative sert à conscientiser la population sur la trop grande importance des produits électroniques dans nos vies. Passer à l'ordinateur, mais également aux consoles de jeux vidéo ou au téléphone cellulaire. Selon les organisateurs de la journée, 65 000 personnes ont éteint leurs appareils l'an dernier ou au moins ont dit l'avoir fait. C'est quand même bien. Un bon geste, une bonne première. Absolument, absolument. Et puis ça sauve de l'électricité. Puis c'est bon pour l'environnement. Une petite parenthèse d'ailleurs, j'ai trouvé ça... Bon, je travaille dans une école secondaire. Et ce que j'ai trouvé très, très bien, lors du jour de la Terre, tout le monde dans l'école ont travaillé les lumières fermées. Donc, dans les classes, les lumières étaient fermées. Mm-hmm. C'était une belle journée, donc l'éclairage était bien. Donc, c'est un beau petit geste, je trouve, pour l'environnement, pour sauver l'énergie. Donc, une petite parenthèse comme ça. Que, on pourrait le faire plus souvent aussi. C'est pas parce que c'est le jour de la Terre. Il fait beau le jour, pas besoin d'allumer la lumière. Exactement, exactement. Pourquoi notre lumière est allumée ici en studio, j'en ai aucune idée. Je la ferme à l'instant même. Vas-y. Statistique Canada vient de publier des chiffres intéressants au sujet de la woke. C'est vraiment noir quand on y pense. C'est quand même plutôt noir, je la rallume. Il mouille dehors en ce moment, le mardi. Merci. Statistique Canada vient de publier des chiffres intéressants au sujet de la téléphonie au pays. On apprend que dans l'enquête sur le service téléphonique résidentiel que c'est au Québec qu'on retrouve aujourd'hui le moins d'abonnés à la ligne téléphonique traditionnelle. Nouvelle assez intéressante, les Québécois ayant adopté plus rapidement que les autres la téléphonie par câble ou par Internet. Au Québec, un foyer sur cinq utiliserait la téléphonie par IP. En comparatif, on dit que seulement 15% des foyers canadiens utilisent la téléphonie IP. Cependant, c'est au niveau du téléphone cellulaire que le Québec prend du retard. Selon Statistique Canada, seulement 63% des foyers québécois disent avoir au moins un téléphone cellulaire. Le Québec est donc bon dernier dans le palmarès des cellulaires au Canada. C'est l'enfer. Il me semble qu'on envoie partout des cellulaires puis on est les derniers. C'est incroyable. C'est décourageant quand même. Imaginez ailleurs, les gens doivent en avoir deux par facilement. Personne. Ouais, facilement. C'est en Alberta qu'on retrouve le plus de téléphones cellulaires avec 83% des foyers qui répondent avoir au moins un cellulaire, suivi de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, la Saskatchewan en quatrième et le Manitoba au cinquième rang. Une nouvelle que moi je trouve aberrante dans le cadre d'une initiative combinant le concept d'encyclopédie créée en ligne par des utilisateurs à la page imprimée. Le groupe médiatique allemand Bertelsmann AG publiera ce qui pourrait être le premier d'une série de volumes annuels dont le contenu est une sélection faite parmi les centaines de milliers d'entrées d'internautes allemands sur Wikipédia. Bertelsmann AG, englobant notamment la maison d'édition Random House et l'entreprise de musique Sony BMG, a annoncé la publication sous peu de l'encyclopédie à volume unique de Wikipédia, dont le premier numéro paraîtra en septembre avec du contenu constitué de 50 000 des termes les plus recherchés dans la version en langue allemande de Wikipédia. Le responsable de la publication chez Bertelsmann Encyclopedia Institute a expliqué à l'Associated Press que le nombre élephantesque d'entrées sur le site allemand de Wikipédia, au dernier des comptes, on en comptait quelques 740 000, qui rempliraient bien des centaines de volumes imprimés, signifie que leur publication intégrale n'était pas une bonne idée pour le commerce de livres allemands. Par contre, une collection annuelle des termes les plus populaires aurait de l'attrait, dit-elle. On dit donc qu'ils ont accepté de compenser Wikimedia version Deutschland, qui fait la promotion de la version en langue allemande de l'encyclopédie en ligne à raison de 1,59$ la copie. Mais bon, donc on publie Wikipédia, qui est une encyclopédie en ligne en version papier. Gaspillage de livres, vraiment gaspillage de papier, gaspillage, c'est mauvais dans tous les sens, je trouve. C'est du gaspillage, effectivement, c'est moins pour l'environnement. En tout cas, moi, je trouve que c'est une idée absolument aberrante, comme tu l'as dit tantôt. Tout à fait stupide. Elle est sur Internet, l'encyclopédie. Allez-y. Oui. En plus, que tu n'as même pas les renseignements les plus à jour, parce que sur Wikipédia, quand il y a des erreurs ou des faits à ajouter, c'est mis à jour sur Internet. Exactement. Et je trouve ça un peu aussi également une perte de temps, je dirais, de la part de ceux qui vont produire oui. l'encyclopédie. C'est une job de vérification de faits incroyables. On parle de 50 000 termes les plus recherchés. 50 000 termes vérifiés. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans, on ne sait pas. Exactement, ça finit plus. Genre. C'est n'importe quoi, ça peut être... Bon, chose un petit peu plus réjouissante, je trouve. Première dans la petite histoire de la blogosphère québécoise, l'auteur des Chroniques d'une mère indigne vient de recevoir le Grand Prix littéraire Archambault 2008, mentionne Radio-Canada, un prix qui a été créé par la chaîne de magasins Archambault pour faire la promotion des auteurs québécois de langue française. En mars 2007, Caroline Allard publie une version papier de ses propos aux éditions du Septentrion, et aujourd'hui, c'est cette version de son blog qui reçoit les honneurs. À la connaissance de Radio-Canada, c'est la toute première fois qu'une blogueuse reçoit un prix littéraire. Le prix est doté d'une bourse de 10 000 $. Pour l'histoire, Caroline Allard est en très bonne compagnie puisque Marie Laberge, Michel Tremblay, Christine Brouillette, François Havard, Anne Robillard et Fred Pellerin ont déjà remporté ce prix. En très bonne compagnie, en très bonne compagnie. Tous d'excellents auteurs. Voilà qui fait le tour pour le bloc F5 informatique. Et voici maintenant le top des mots-clés les plus recherchés en ce moment même sur Google. 29 avril 2008, c'est mis à jour il y a 15 minutes environ. En cinquième, c'est Patagonian Toothfish. C'est une genre de sorte de pieuvre. Ben voyons, non? En quatrième, c'est Anwar Oil. Anwar qui est, je crois, le président de quelque part. Et puis là, il y a rapport avec l'huile, lui, apparemment. Ben, j'imagine. En troisième, c'est aussi Anwar. En deuxième, c'est la diète HCG. Et en première place, c'est un homophone. Pourquoi les gens cherchent homophone? Faut aller se renseigner. Sinon, d'autres mots qui m'intéressent, Coldplay qui vient de sortir une pièce à télécharger gratuitement sur Internet. Ils font des Radiohead de même avec une seule pièce. C'est en 98e position. On retrouve aussi dans le top des mots-clés les plus recherchés. What provides the power in a soapbox derby? Qu'est-ce qui fait avancer des soapbox? Des boîtes à savon. En 30e position. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Et puis Smiley Face Murders en 21e position. Un meurtre avec des... Il y a un gars qui fait des graffitis de bonhomme sourire. Wow, wow, fait des meurtres, ouais. En tout cas. Donc c'est très recherché. En ce moment même, il y a aussi les tornades en Virginie en 13e position. Voilà qui fait le tour pour ça. On va aller en musique et puis on va revenir avec Alexandre Thibaudeau. Et de quoi tu nous parles encore une fois aujourd'hui? Oui, bien sûr, je vous parle donc chronique de Fire Emblem Radiant Dawn, qui est un jeu stratégie RPG comparable à Final Fantasy Tactics du bon vieux jour. Et dans ma chronique documentaire, The Lost Tomb of Jesus. Tout de suite après, Jesus. Bonjour Brumaire, Jesus. Ne dis jamais Fontaine, Alex. Fontaine? Non, dis pas Fontaine, ne dis jamais Fontaine. Sacrilège. Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés. Et songer aux instants rompus, est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non, non, non, non, non, c'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non, non, non, non, non, si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, la fin c'est une longue entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude c'est une conne qui se défile. Je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs entraînés derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. Non, non, non, non. C'est à ne plus savoir comment s'y prendre. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, dans le fond, je ne suis qu'un vrai pleureux qui part, qui disparaît à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai. Bonjour Brumaire et ne dis jamais Fontaine, c'était le nom de la pièce de Bonjour Brumaire. C'est pour ça. Mais oui, c'était ça le jeu de mots. Maintenant, jeu de mots veut dire qu'on continue avec du contenu, c'est ça? Ouais, genre. Pour être voici. Ça, oui. On passe à la critique sur Nintendo. Oui! Ok, Alexandre Thibodeau qui est de retour après une longue absence pour nous faire une critique d'un jeu sur Nintendo Wii. Exact, aujourd'hui, donc c'est Fire Emblem Radiant Dawn qui suit le jeu donc sur le GameCube qui s'appelait Fire Emblem Path of Radiance. Ok. Avec le petit accent, là, ça donne la crédibilité un petit peu. Ben oui, British. Oui, British. Donc, essentiellement, l'histoire pour les non-initiés, ça se passe dans une contrée fantaisiste, une contrée lointaine. Alors que deux pays, donc dans Path of Radiance, se faisaient la guerre. Donc, il y avait le pays de Crimea et de Daine. Donc, deux pays qui se livraient une guerre sans merci. Et finalement, Crimea a réussi à avoir le dessus sur Daine dans Path of Radiance. Okay. Et donc, depuis le jeu se passe 3 ans plus tard, dans le fond. Alors que Daine a été laissé à un troisième royaume, Begnion. Donc, sous leur gouverne. Et ce royaume-là traite vraiment les habitants de Daine comme de la merde. C'est vraiment, c'est une dictature. C'est, on se sert des hommes comme esclaves, des femmes. C'est bon, on s'imagine qu'est-ce qu'ils font, là. Donc, c'est vraiment une dictature. Et il y a de ce mouvement, donc de cette oppression-là, naît un mouvement, OK, qui s'appelle The Dawn Brigade, qui est dans le fond une escouade de jeunes révolutionnaires de Daine qui, eux, veulent renverser le royaume envahisseur de Begnion pour redonner à leur pays la liberté. Donc ça, c'est en gros, c'est l'histoire du c'est jeu. Une grosse histoire assez complexe quand même. Oui, c'est quand même, il y a quand même... oui, quand même. C'est une mythologie. C'est exactement. Et c'est pas le premier volet donc du jeu. Donc, déjà, une histoire qui s'est créée. Qui... Donc, le monde existe déjà pour ceux qui ont joué aux versions précédentes. Donc, on saute immédiatement dans le nouveau jeu. Mais tu peux embarquer quand même à mi-chemin dans ce jeu-là sans avoir joué au précédent. C'est ce que moi, je fais. J'ai pas joué aux autres jeux. Donc, je sais qu'il y a d'autres histoires. Je sais qu'il y a des liens, des personnages qui sont tissés. Mais c'est rien de trop, je dirais, exceptionnel. Et souvent, lorsqu'un élément d'un jeu précédent est introduit, on a un petit briefing bon. Durant le jeu pour quand même se situer relativement... T'es pas dans le noir total en jouant. Exactement. Okay. Donc, essentiellement, le jeu, c'est un jeu fantasy roleplay tactique. Un peu comme, je l'ai dit tantôt, Final Fantasy Tactique au vieux PlayStation. Également, pour ceux qui ont connu ça, ça fait encore plus longtemps, les Shining Force 1 et 2 du Sega Genesis. Ce sont des jeux, essentiellement, oui, il y a une histoire, donc, du style roleplay, mais les combats se font de façon tactique, c'est-à-dire sur un échiquier, chaque personnage est représenté, gagne des niveaux, se bat, donc on peut les déplacer tour par tour. Donc, je joue tous mes personnages, l'ennemi joue ses personnages, etc. Okay? Donc, c'est un fonctionnement comme ça. Donc, ceux qui sont fans de ce jeu-là vont trouver preneur. Sans être un fan de la série, je suis un fan de ce type-là et j'ai beaucoup aimé. Okay? Les points forts de ce jeu-là, ben l'histoire est quand même prenante. Okay? L'histoire est bien, c'est bien narré, c'est bien expliqué. Il y a beaucoup de personnages, donc on voit beaucoup des liens. Et le jeu est quand même très long. Donc, une bonne durée de vie, une bonne longévité. Un parenthèse, est-ce qu'il est en français? Non, il est en anglais. Bon, donc vous voyez que pour les... Parce que c'est un jeu à scénario, c'est ouais, un jeu à texte. Effectivement, j'ai oublié de le mentionner. C'est un très bon point que tu fais, Mathieu. C'est en anglais, effectivement. Et il y a également des petites interludes, donc, où est-ce que c'est une voix qui nous parle, qui nous raconte l'histoire. Donc, c'est encore plus dynamique, ouais. À mon goût. Les combats sont très bien faits. Le rendu est très cartoon. Donc, ça fait très Nintendo. Ça fait très vraiment... je dirais jeu pour plus jeunes un petit peu. C'est un petit peu style manga, donc le dessin est très bien fait. Un peu comme Zelda sur la GameCube. Plus cartoon. Wind Waker. Encore plus cartoon que Wind Waker. Dans le sens, plus cartoon manga, si tu veux. OK. Moins cartoon enfant. OK. Plus manga un petit peu. Plus japonais gros yeux, genre de choses. Exact, un petit peu. Là. OK. le système de combat est bien, dans le sens que tu peux choisir, tu peux équiper des armes différentes, tu peux apprendre des nouvelles habiletés. Tu peux les mettre en pratique, tu peux créer des liens entre des personnages, donc ces deux personnages-là vont se supporter mutuellement. Par exemple, un vieux guerrier va prendre un plus jeune sous son aile et quand elle va être à proximité sur l'échiquier, vont se donner des petits boosts. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Et aussi, un point que j'ai vraiment apprécié, qui rend le jeu vraiment plus difficile, c'est que contrairement aux jeux tactiques standards, une fois que ton personnage, disons que tu as 15 personnages dans ta brigade, tu veux, et durant un combat, tu as un personnage qui meurt. Mais ton personnage, il revient pas. Tu perds pour le jeu. Oh. Il n'y a aucune façon de le ramener. Okay. Donc, c'est plus réaliste dans ce exactement, cas-là. C'est bien. Ça. Et ça rend le combat. Tu dis, bon, ben, dans un jeu comme dans Shining Force ou Tactique, bon, ben, je vais sacrifier tel personnage, il va m'acheter du temps. Ah, OK. Tu sais, puis bon, merci, bonsoir. Tu sais, anyway, prochain combat, je vais faire vivre. Bon, ben. Mais là, tu perds ton personnage, faut que tu y penses à deux fois. Mm-hmm. Faut que tu dises, bon, est-ce que ça vaut la peine que je le sauve? Est-ce que je... Donc, ça ajoute à la dimension tactique le fait que tu es un bon combattant. Ben, une bad luck, tu peux le perdre. Parce que chaque personnage a ses caractéristiques spéciales, donc faut faire attention. Exact, il y a plusieurs classes. Ouais, donc, tu as des combattants, tu as des mages, tu as des prêtres, tu as des archers, tu as des chevaliers, tu as des chevaucheurs de Pégase, donc qui volent. Donc, tu as un petit peu de tout, ce qui rend vraiment ça intéressant. Et donc, ça, c'est en gros, là, c'est les points forts. Le point faible du jeu, ce qui, moi, m'a un petit peu éteint, c'est que c'est très, très linéaire. Dans le sens que tu as... Autre que les batailles, tu ne joues pas. OK? Tu vois l'histoire défiler devant toi. Parce qu'un film, dans le fond. Exactement. Ouais. Donc, tu vois, par exemple... Et il y a très, très peu d'action dans le sens que tu vas voir des personnages qui se parlent, blablabla, merci, bonsoir. Donc, tu t'en vas à telle place, tu as une petite mise en scène et le combat est là. Ils doivent pas non plus se servir souvent de la manette de la Wii d'une façon très originale. Exactement. C'était mon deuxième point négatif. Je t'ai vu venir un peu. Et voilà, c'était mon deuxième point négatif. Donc, la manette se joue vraiment comme une manette old-fashioned avec la croix et les boutons. Ouais. Donc, c'est pas un jeu qui va utiliser les capacités de la Wii à fond. Même que s'il y a quelque chose à dire, ce serait peut-être même plus le fun de jouer avec une manette de GameCube. Prenez une manette de GameCube pour enchaîner là. Justement, et voilà, c'est exactement. D'ailleurs, il y a une manette qui se vend de Wii, donc une manette standard. Donc, à ce moment-là, je le suggère de prendre cette manette-là. C'est qui ressemble à Super Nintendo. Là. Exact. Okay. Mais avec la manette Wii, ça se joue quand même très, très bien. Et c'est là, donc, mes critiques principales. Donc, c'est un jeu qui va être très bien. L'histoire est bien et moi, j'ai jamais embarqué dans ce type de jeu. J'aime embarquer dans l'histoire, j'aime comprendre, j'aime voir le cheminement, j'aime justement représenter une histoire avec mes propres tactiques. J'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'ai moins aimé, comme je te dis, c'est très linéaire. Donc, vu que c'est un jeu qui dure quand même assez longtemps, ça se peut que tu te tannes. Donc, OK, bon, je fais des combats. T'sais. C'est répétitif. C'est répétitif. Et la seule chose qui te laisse vraiment comme accrocher, c'est l'histoire. L'autre petite chose que j'aime peut-être moins aussi, j'ai pas l'impression qu'on va à fond dans chacun des personnages. Et c'est normal parce qu'il y en a tellement. Ouais. Donc, c'est ça, dans un jeu style RPG, j'aime ça avoir un bon développement de personnage pour vraiment sentir que, bon, OK, tu sais, chaque personnage représente ça, puis bon, ils ont des émotions, des sentiments, donc t'aimes ça, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'ambiance d'immersion, et dans ce jeu-là, on n'a peut-être pas ce niveau-là. Mais ça reste un bon jeu pour les fans de RPG tactique, vous allez trouver preneur. Je donne un 7 sur 10, c'est une note honnête. Moi, je l'aime plus que ça. T'es biaisé un peu exact, sur ces jeux-là. C'est biaisé parce que j'aime ce genre de jeu-là. Mais c'est une note, selon moi, qui est très honnête, qui représente très objective, qui représente, je pense, les forces et les faiblesses du jeu. D'accord. Bon, ben voilà pour ce jeu qui est Fire Emblem Radiant Dawn. Exactement. C'est un jeu qui est sorti sur la Nintendo Wii. C'est édité par Nintendo, développé par Intelligent Systems dans le genre jeu de rôle stratégie pour un seul joueur. C'est coté 10 ans et plus selon le SRB. C'est sorti le 5 novembre 2007 aux États-Unis. Une belle note oui. De la part des critiques. Hein? Oui. 78, donc près de 80. Les critiques sont un petit peu plus favorables que toi, on dirait là-dessus. C'est basé sur 30 critiques reconnues dans le monde. C'est sur 100, évidemment. Et pour les utilisateurs, 31 votes de la communauté de Metacritic.com donnent un score de 88%, presque 9 sur 10. Très, très généreux. Donc, t'es allé du côté conservateur. Je suis très, très sévère. Dans ta critique. Critique. Tantôt, tu vas nous parler d'un documentaire. Lequel? Oui, exact. C'est The Lost Tomb of Jesus, un film présenté par James Cameron, réalisé par Cynthia Jacobovici. Pour l'instant, voici une pièce de Plants and Animals à la connexion. You have woke up too soon and found the world and now your feelings have changed. Say goodbye to you before. No sight, and no one. Vingtaine de minutes de cette édition Super Size de la collection pour l'été, parce que vous savez peut-être pas, mais pour la session d'été au complet, on a 15 minutes de contenu bonus à la collection, donc malade. On est en direct les mardis à partir de 11h, on rappelle les jeudis à 11h et maintenant les lundis à 9h en rediffusion. Dans à peine quelques minutes, Alexandre Thibodeau va nous parler de The Lost Tomb of Jesus. The Lost Tomb of Jesus. C'est le documentaire vedette de la semaine, mais avant voici une pièce de Zorro remixée par Asirka, 1981. Moi je savais, il l'a dit. Something to see. pièce très très vidéoludique de The Ring remixée par Acircas en 1981. On s'ouvre dans les cassettes de Nintendo. Maintenant, voici une critique de documentaire par Alex Thibodeau. Attention. Action, action, Alexandre Thibodeau, The Lost Tomb of Jesus. Oui, effectivement. Donc, c'est un film réalisé par Simcha, Yacobovici. Donc, c'est un documentaire qui, comme son nom l'indique, film réalisé en 2007, soit dit en passant, relate des découvertes intéressantes, je dirais, donc des scientifiques ont fait, depuis quelques années, une tombe qui portait l'inscription de Jésus. Avec une, donc parmi une série de tombes, donc des membres de sa famille, sa femme, ses enfants, donc ce qui porterait à croire que Jésus a marié Marie-Madeleine et aurait eu une descendance. Donc, ça, c'est la prémisse de base du documentaire. On joint une équipe d'historiens, d'archéologues, donc qui vont aller à la découverte de ces tombes-là. Et on va avoir, bien sûr, des explications scientifiques, des explications sociologiques et des explications, bien sûr, religieuses par rapport à ce phénomène-là. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'on se sent vraiment partie d'une expédition. Donc, on va vraiment découvrir, on se sent vraiment embarqué dans une découverte intéressante du 21e siècle. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est bien réalisé. C'est professionnel. Ben, c'est quand même James Cameron qui l'a produit. Okay. Celui qui a réalisé Titanic, entre autres. Donc, c'est pas de la petite bière. C'est pas un film d'acteur, il n'y a pas de Leonardo DiCaprio qui joue Jésus. Puis... Non, malheureusement. Il y a quelques mises en scène, quelques recréations donc, pour relater des faits importants donc, de la vie de Jésus. Mais essentiellement, ce sont des entrevues d'experts, ce sont une caméra donc témoin qui va suivre. Donc c'est un style de caméra donc qui va suivre l'action. Style cinéma vérité un peu. Exact, comme si tu étais là. Donc ça, c'est vraiment une bonne technique de documentaire pour inclure le spectateur, pour lui faire sentir comme si tu faisais partie de l'expédition. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Ce qui est bien aussi, et ça, c'est rare qu'on peut dire ça dans un documentaire, c'est que ce n'est pas, même si bien sûr on veut démontrer une théorie, on reste quand même relativement neutre. Je dirais, est-ce que... Ça, c'est très, très difficile. On est dans un terrain glissant. Lorsqu'on parle d'une discussion, donc, ou d'un problème ou d'une découverte propre à la religion, c'est extrêmement glissant comme terrain. Parce qu'essentiellement, la religion, ce que c'est une croyance interne. C'est une croyance en quelque chose qui, pour la plupart, n'est pas matérielle. Donc, à ce moment-là, d'aller pratiquement renier les dogmes de la foi chrétienne, c'est quand même quelque chose. Le fait que Jésus ait marié Marie-Madeleine ait eu une descendance, ça vient carrément déconstruire le canon donc de la religion catholique. Et ça, c'est quand même quelque chose de gros. Donc, et ça, justement, les auteurs essaient donc marchent sur du verre, mais quand même ne se coupent pas ce que j'ai trouvé intéressant. Donc, ils n'osent pas trop aller profondément dans les dogmes de la foi, mais reste quand même le plus neutre possible, ce que j'ai trouvé quand même très, très bien. Si le documentaire répond à plusieurs questions, il en soulève beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose que certaines personnes aiment, mais moi, c'est quelque chose qui m'éteint un petit peu. J'écoute un documentaire pour justement pour m'informer sur quelque chose. Pas pour te créer d'autres interrogations. Exact. Et c'est ça. Ça dépend, comme justement, et ça me fait penser à un documentaire que je vais parler sûrement prochainement, un documentaire vidéo seulement qui s'appelle Loose Change sur les 11 septembre. Très bon, ça. Exactement, donc tu l'as vu. Oui. Encore une fois, sans se poser de questions de plus, on est capable de formuler une interprétation d'un événement. Mmh. Avec celui-là, c'est pas le cas. Avec The Lost Tomb of Jesus, c'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est ce qui m'a arrêté un petit peu, personnellement. Mais la réalisation, les techniques de caméra, c'est excellent. On voit qu'il y a quand même eu du budget. On voit les démarches. On suit vraiment les pas, donc, d'une équipe, du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant, c'est très vivant. Mais à la fin, on se dit, ouais, OK. Donc, on a eu un 15 minutes d'information brute. On a eu 1h15, donc, de commentaires. Mais est-ce que les commentaires nous apportent vraiment quelque chose de plus? Moi, je suis pas sûr. C'est ce qui m'a été un petit peu difficile. Est-ce que tu crois avoir perdu ton temps en le regardant? Pas du tout. Non, donc tu le conseilles quand même. Je le conseille. C'est un excellent film, très bien ficelé, très bien réalisé, informatif. Mais je trouve que, comme je l'ai dit, la fin, donc le développement global du film, ne me satisfait pas entièrement. Donc, je trouve que c'est très bien pour... C'est probablement une découverte, peut-être, une des plus importantes, essentiellement, du 21e siècle, parce que, justement, c'est quelque chose qui touche des milliards de personnes. Cependant, je crois que la façon dont ça se termine, je trouvais qu'en tant que film, c'est un petit peu décevant. Donc, moi, je donne un 8 sur 10 pour The Last Tomb of Jesus, une note très honnête, encore une fois. Et ce qui est le fun, il y a quand même quelques extras qui valent le détour. Oui, okay? Par exemple? Ouais, donc il y a une petite épilogue donc avec James Cameron, donc un petit retour sur le film par James Cameron, le producteur du film, ainsi que le réalisateur Simchay Rabovici. Et il y a également au-dessus d'une heure d'opinion d'experts sur le sujet. Donc, ils se contredisent les uns les autres. C'est quand même très bien. Mais ça nous ramène quand même à la case départ. Donc, 8 sur 10 pour un film qui vaut le détour. C'est une bonne location. Moi, je l'ai acheté par intérêt personnel, par collection, collection de documentaires. Mais c'est une bonne location lorsque vraiment vous pensez avoir tout vu dans le club vidéo. Dis-moi, il n'y a rien qui me tente. Ben, c'est une bonne location qui vaut le détour. Merveilleux. The Last Tomb of Jesus, réalisé par Simcha Jakubovici. Produit par Félix Golubev et Rick Esther Beanstalk, distribué par Coke Vision, Discovery Channel et Vision TV. C'est sorti en mars 2007 aux États-Unis au Canada. Ça, c'est le pays de production et c'est en anglais seulement. Oui. Voilà. Donc, The Last Tomb of Jesus, merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine, Mathieu. À la semaine prochaine. Nous, ben, pendant ce temps-là, avant de se quitter, on va aller en musique et après ça, on va revenir avec un petit tour rapide de ce qui s'est passé cette semaine sur Internet. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CIFU 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Youpi. Yeah. Voici Philippe B. Et la ville est là. Déjà les oiseaux métalliques volent plus bas et la radio capte les voix des animaux d'Amérique. 100 000 fréquences qui dansent au bout de mes doigts. Se noyer le moteur. Je vois des lunes artificielles dans les vapeurs de diesel. Et je vois 100 000 toits, oui, mais un seul fait pour toi et moi. C'était Philippe B avec la pièce La ville est là de son album Taxidermie. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout récent. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Il nous reste encore quelques petites minutes. On va devoir s'en servir, en profiter le plus possible de ces 4 minutes. Donc voici les nouveautés bientôt en magasin. Bon, c'est sorti la semaine, évidemment, on est tous au courant. Le jeu que tout le monde veut, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PlayStation 3 et la Xbox 360. Mais il y a aussi Iron Man sur la DS, la PS2, PS3, PSP, Wii et Xbox 360. Il y a Rougou sur DS, PC, Wii et 360. Et SNK Arcade Classics Volume 1 sur PS2 et PSP. Sur Nintendo DS, on retrouve Toy Shop, Let's Yoga, Brain Voyage et Let's Pilates. Oui, un jeu d'exercice. Sur PC, Galactic Civilizations 2 Twilight of the Honor. Il y a aussi Baseball Mogul 2009 et Great War Nations The Spartans. Le seul et unique jeu sur Nintendo Wii, c'est un autre jeu incontournable que les gens vont se procurer, j'espère, en grand nombre. C'est déjà fait, mais on espère que vous allez vous le procurer parce que ça a l'air vraiment bon. C'est Mario Kart Wii sur Nintendo Wii. Sur la console virtuelle de la Nintendo Wii, on retrouve un seul jeu, malheureusement, Double Dragon, qui permet de prendre le contrôle de Billy Lee. C'est un jeu... c'est pas la console. Je me rappelle pas par cœur non plus de la console, mais bon, c'est pas grave. Donc, Double Dragon qui sort sur la console virtuelle. Sur le Xbox Live Arcade, un seul et unique jeu qui fait aussi son apparition, c'est le jeu Lost Cities, qui est offert sur le service en ligne de Microsoft. Et voilà, ça fait le tour pour les nouveautés qui s'en viennent en magasin. J'ai posté sur unechance.com quelques liens intéressants vers des articles qui parlent, entre autres, de Guitar Hero 4, qui serait peut-être une copie de Rock Band, un peu. C'est ce qui est la rumeur en ce moment. Il y a aussi un jeu qui va mettre Sub-Zero contre Batman. Il va aussi y avoir le retour de Spyro, le retour de Prince of Persia d'ici la fin de l'année, le nouveau Crash Bandicoot, et puis un nouveau Halo qui sera en préparation aussi. Donc ça, c'est sur unechance.com. Il nous reste... en fait, je pense qu'il nous reste même pas de temps pour faire le tour du net. C'est triste, hein? Parce que je vous avais promis qu'on le ferait. On n'a pas le temps de le faire. C'est le même. Que voulez-vous? Par contre... Et là, je vais faire une promesse en ondes à la radio, ce que je fais assez souvent et que je ne réalise pas. Mais j'ai comme plan de ramener l'émission en ligne seulement CNXtra pour cet été. Et j'espère pouvoir faire le reste de tous les liens que j'ai emmagasinés sur lunechance.com, les faire dans une émission balado-diffusion seulement sur Internet. Donc, je ramène CNXtra cet été, aussitôt que j'aurai le temps. Mais pour l'instant, allez voir le reste des liens sur lunechance.com. Tout est là. Il y a un paquet de belles choses, des gadgets, des jeux pour le bureau, les nouveautés en magasin, un bloc de liens, d'images et de vidéos de Grand Theft Auto 4. Donc, allez voir ça sur le www.lunechance.com. Nous, c'est déjà la fin pour cette première émission de l'été pour La Connexion. On se retrouve maintenant les mardis à partir de 11h jusqu'à 13h. On est en rappel les jeudis à la même heure, 11h à 13h, et les lundis à 9h. Donc mardi et jeudi à 11h, lundi à 9h. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve aussi au poste d'écoute et au palmarès. C'est fou, faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. Bye bye. Dash.com.